J'ai un petit truc à vous demander, un peu particulier, vu qu'il fait sensation. Sensations. C'est pas trop genre des sensations.